Chapitre 40, mai dernier. Cependant, la bigorne, toujours active, allait et venait, ne quittant pas le médecin des yeux. Il y avait des heures durant lesquelles Henri, dévoré par la fièvre, conversait avec lui-même. C'était mille lambeaux de phrases confuses où l'on saisissait à toute minute les noms de Madame de Cipierre, de Léopoldine, de Madame de la Morlaix. De vagues indications, des mots 20 fois répétés, permettaient à la bigorne de reconstruire une histoire dont certains éléments lui échappaient encore. Quelque temps, elle ne s'y arrêta pas. Puis la fréquence de ses répétitions, le retour des mêmes mots et des mêmes noms la frappèrent. Elle prêta une attention plus soutenue à ce que disait le malade et son instinct l'avertit que là était la cause du mal. Quelle est donc cette histoire de duel et de suicide qui poursuit Henri dans ses cauchemars éternels? Dit-elle enfin à M. de Bléré. Ah, répondit le Breton, c'est le secret qui le tue. Un secret? Pensez-vous que la tendresse que je porte à mon jeune maître me donne quelque droit à savoir tout ce qui le concerne? Toi, mais tu es comme de la famille. Est-ce que la mère du pauvre Henri n'est pas morte près de toi? Tu sauras tout. Et tout d'un trait, il raconta à la bigorne l'histoire du ravin de Staweli. Mais pourquoi vous taire? S'écria-t-elle lorsque M. de Bléré eut fini. Et nous avons juré, le duc et moi, juré entre les mains de Henri. Moi, je n'ai pas juré, pensa la bigorne. Quand elle fut bien au courant des détails de cette sanglante aventure, elle demanda à M. de Bléré si M. de Carlepont avait conservé tous les papiers qui en constataient la vérité. Il n'y en a qu'un, dit le chasseur, c'est la lettre écrite par Paul de Cipierre. Le duc ne s'en est jamais séparé. Pour lui, ce n'est pas une arme, c'est une relique. Et vous qui êtes entré dans les plus secrètes profondeurs de ce caractère, vous comprendrez le sens que j'attache à ce mot. Cependant, l'intensité du mal n'était pas à diminuer. Henri s'appliquait de toutes ses forces à le vaincre. Il réussissait à peine à n'en être pas terrassé. Le médecin qui l'observait s'effraya des symptômes qu'il remarquait. Touchant son front un matin après une crise, « Le mal est là, » dit-il, « la tension de la volonté poussée au paroxysme. Encore un effort et la machine peut être brisée, comme saute le couvercle d'une chaudière où la vapeur est trop violemment condensée. » La bigorne qui l'écoutait ne dit rien. Mais voyant, à l'entrée de la nuit, le duc immobile au chevet de son fils, elle se dirigea vers la chambre qu'habitait M. de Carlepont. En un tour de main, et avec l'activité d'une louve, elle eut bientôt ouvert les armoires, forcé les secrétaires, vidé les tiroirs. « Dieu est bon. Si c'est un vol, il ne me condamnera pas, » disait-elle, tandis que ses doigts fiévreux fouillaient dans les portefeuilles dont elle éparpillait tous les papiers çà et là. Une lettre maculée de taches rougeâtres se trouva tout à coup devant elle, pliée en quatre et coupée au pli. Elle s'en empara et l'ouvrant. « C'est bien cela, » dit-elle. La bigorne cacha la lettre dans son sein, sortit de la chambre et se dirigea du côté de l'écurie. Bientôt après, elle sautait à cheval et poussait droit dans la direction de Maingry. Si l'on savait ce qui se passe à Pontcarlé, quelque chose me dit que Mademoiselle de la Morlaix serait ici, murmurait-elle tout en galopant. Mais il y viendra, jour de Dieu, et c'est moi qui l'y amènerai. La campagne était toute blanche et les reflets éclatants de la neige qui la couvrait rendaient la nuit claire et transparente. La solitude où elle se trouvait ne pouvait effrayer la bigorne, mais elle craignait de s'égarer. Un petit pâtre, qui regagnait son gîte, déboucha d'un sentier. Elle l'appela, et pour une pièce de monnaie, il consentit à monter en croupe et lui servir de guide. « À présent, dit-elle, prends-moi par la taille, et s'il y a des secousses, serre vigoureusement, je ne tomberai pas. » Elle cingla le cheval d'un coup de houssine et partit à fond de train. De temps en temps, elle tâtait son corsage de la main pour savoir si la lettre était toujours à sa place. Elle aperçut enfin une masse noire dans la nuit, sous la lisière d'un bois. Des lumières rouges s'en détachaient, éclairant la neige. « C'est là !» dit le petit pâtre. La bigorne poussa son cheval dans la cour, franchit le perron et entra dans une première pièce où se trouvait un domestique. « Madame de la Morlaix !» dit la bigorne en secouant sa mante tachetée de flocons blancs. « Madame est chez elle, mais il y a du monde !» répondit le domestique. « Madame de la Morlaix m'attend, conduisez-moi » reprit-elle hardiment. C'était ce jour-là, le 25 décembre, jour anniversaire de la naissance de Léopoldine. Il y avait une assez nombreuse compagnie au château, on avait soupé et on causait autour d'un large feu. Quand le domestique ouvrit la porte, la bigorne aperçut Mademoiselle de la Morlaix, pensive, assise dans un fauteuil, la tête appuyée dans sa main. Quelqu'un racontait une histoire debout devant la cheminée. La bigorne fit résolument quelques pas en avant et se plaça au milieu du cercle. « Mademoiselle, dit-elle à Léopoldine, quelqu'un se meurt à Pontcarlé et je viens vous demander de le rendre à la vie. » Mademoiselle de la Morlaix se leva toute blanche. « Qu'est-ce ? Demanda Madame de la Morlaix. « Il y a, madame, que le fils de Monsieur le duc de Carlompont est en péril de mort, et que votre fille seule peut le sauver. » Madame de la Morlaix passa ses bras autour de la taille de Léopoldine, qui tremblait. On se taisait autour d'elle. La bigorne joignit les mains. « Je vois ce que c'est, » dit-elle. « On vous a raconté que Monsieur le duc de Carlepont, mon maître, avait tué quelqu'un là-bas, en Afrique, et ça fait qu'il y a du sang entre vous. Est-ce bien cela ?»« Oui, c'est bien cela, » répondit la mère. « Eh bien, ce n'est pas vrai. Si le sang a coulé, ce n'est pas mon maître qui l'a répandu. Que dites-vous ? Monsieur de Carlepont n'a pas tué Paul de Sipierre ?» s'écria Madame de la Morlaix. « Parlez, parlez !» murmura Léopoldine. « Non, madame, non, il ne l'a pas tué !» poursuivit la bigorne. « Je vais tout vous dire. Regardez-moi bien dans les yeux, vous verrez si je mens. Mon enfant, mon pauvre Henri, se meurt. C'est pour cela que je suis venu. Il était tout petit, la première fois que je l'ai fait sauter sur mes genoux. Sa mère, une sainte, madame, est morte, la tête sur mon épaule. Depuis lors, son père ne l'a plus quitté, et l'on sait partout quel homme c'est que monsieur le duc de Carlepont. Il l'a fait à son image. Ils sont là-bas, à Pontcarlé, trois hommes, qui ne veulent rien dire, parce que la faute est à une autre. Mais la vie de l'enfant est menacée. Je ne connais que lui, moi, et me voici. » Mais ce duel terrible, cette mort, reprit Madame de la Morlaix, qui respira à peine et qui sentait le cœur de sa fille sauter sous sa main. « Attendez, m'y voici, je me suis fait tout dire, et vous saurez comment les choses se sont passées. Ils étaient à la chasse, c'est vrai. Monsieur le duc de Carlepont y était ainsi que Monsieur de Bléré, et ce pauvre jeune homme qu'on appelait Monsieur de Sipierre. On galopait dans les taillis au milieu des chiens. Il faut vous dire que Monsieur le duc avait pris Monsieur de Sipierre en amitié à cause de sa grande tristesse. » C'était une histoire d'amour comme on en a toujours à cet âge. Il y avait dans son pays une jeune fille qu'il aimait et qu'on ne voulait pas lui donner parce qu'elle n'était pas noble. Il faut bien savoir cela pour comprendre l'histoire et le malheur qui est arrivé. On chassait donc, lorsque voilà que tout à coup Monsieur de Sipierre, qui courait à côté de mon maître, tire un pistolet de sa poche et se casse la tête. Lui ? Hélas oui, madame. Monsieur de Carlepont l'a vu. Monsieur de Bléré l'a vu. Dieu l'a vu. Mais cette déclaration, ce procès-verbal est signé par quatre témoins. Voilà justement où éclate le cœur de Monsieur le Duc, et ce qui fait qu'aujourd'hui un pauvre enfant s'en ira, si vous ne le prenez en pitié. Monsieur de Sipierre, tout sanglant, mon maître saute en bas de son cheval. Vous devinez dans quel état il était. Le pauvre blessé se débattait dans l'herbe. Monsieur de Carlepont l'avait pris dans ses bras. Les spahis, les chasseurs, les arabes, Monsieur de Bléré, tout le monde les regardait. Un papier sortait de la poche du moribond. On l'ouvrit et on vit qu'il s'était donné la mort pour échapper au dégoût de vivre loin de celle qu'il aimait. On était là, autour de lui, s'efforçant d'arrêter le sang qui coulait, lorsque voilà un courrier qui arrive d'Alger au grand galop. Il apportait le consentement de Madame de Sipierre. Le pauvre mourant poussa un cri et voulut se lever, mais il retomba et ne remua plus. Mon maître, qui pleurait, et je ne l'ai pas vu pleurer souvent, monsieur le duc, ramassa la lettre que les mains de Paul ne tenaient plus. Elle était conçue en termes si attendrissants. Elle témoignait d'un repentir si profond. On y voyait si bien que le cœur d'une mère parlait, et qu'elle voulait que son fils fût heureux, que monsieur de Carlepont prit d'un seul coup la résolution de tout mettre sur lui. On eut beau lui représenter que c'était accepter une lourde responsabilité, il n'en démordit pas. Et ce fut alors qu'il lamenta l'histoire du déjeuner et du duel. « Cela fait, dit-il, qu'une mère ne saura pas que par son obstination, elle a tué son fils. » « Et vous dites que Monsieur de Bléré était là. S'il y était, est-ce que j'ai la figure d'une personne qui s'est trompée ? Mais tenez, est-ce que je n'ai pas l'écrit que Monsieur Paul a fait lui-même ? Je l'ai volé pour vous l'apporter. Ce n'est pas mon maître qui l'eût jamais montré. À présent, je ne parle plus. Lisez. » La main de Madame de la Morlaix s'empara du papier que lui tendait la bigorne. En ce moment, une porte s'ouvrit dans le fond de la pièce et une personne à laquelle on ne prit pas garde tout d'abord s'avança lentement jusqu'à la place où se tenaient les deux femmes. Mais sa marche mal assurée la trahit. Quelqu'un se retourna. « Dieu, Madame de Cipierre !» fit Madame de la Morlaix. « Ah, Madame, si j'avais su !» s'écria Bigorne qui tremblait de la tête aux pieds. Mais Madame de Cipierre avançait toujours. Pâle et plus semblable à un cadavre qu'à une créature humaine, elle posa la main sur le bras de Madame de la Morlaix. « Donnez, ma fille, » dit-elle, « c'est à moi de lire ce papier. »« Quoi, vous voulez ?»« Par pitié !» fit la Bigorne. « Donnez !» répéta Madame de Cipierre. Elle prit la lettre et en déploya les pages. Autour d'elle, on ne respirait plus. Quand elle eut achevé cette lecture, elle chancela comme un arbre frappé par la foudre et tomba dans un fauteuil. Léopoldine se précipita à ses genoux. On pouvait la croire morte, mais relevant le front. « J'ai commis une mauvaise action, » reprit-elle. « Dieu me châtie. »« Vous, mon enfant, suivez cette femme. » Puis faisant un effort et poussant Léopoldine et Madame de la Morlaix vers la Bigorne, « Vous direz, monsieur le duc de Carlepont, » reprit-elle, « que j'irai demain à Pontcarlé. »« Madame, » s'écria la Bigorne qui porta la main de Madame de Cipierre à ses lèvres, « vous sauvez un chrétien de la mort. » Alors, prenant par le bras Madame de la Morlaix et Léopoldine, elle se jeta dehors, les entraînant l'une et l'autre sur ses pas. Bientôt, après une voiture attelée de 4 chevaux fumants s'arrêtait devant Pontcarlé, et la Bigorne en descendit d'un bond, suivie de Madame de la Morlaix et de sa fille. « La voilà, la voilà !» cria la Bigorne qui faisait voler devant elle toutes les portes. Henri était couché, les yeux tout grands ouverts, sans rien voir. Monsieur de Carlepont et Monsieur de Bléré debout auprès de lui. Au cri de la Bigorne, il ne remua pas. Monsieur de Carlepont, tout tremblant, se pencha sur l'oreiller. Mais la robuste fille, l'écartant du geste, poussa Mademoiselle de la Morlaix jusqu'au bord du lit. « Léopoldine !» dit-elle alors. Les yeux d'Henri, qui étaient noyés dans l'espace, furent traversés par une flamme. Il les tourna lentement du côté de Mademoiselle de la Morlaix et la regarda un instant immobile. Puis il ouvrit les bras et un ruisseau de larmes se répandit sur son visage. Le médecin qui l'observait prit sa canne et son chapeau. « Maintenant, dit-il, je n'ai plus rien à faire ici. » Madame de Cipierre tint sa promesse. On la vit arriver le lendemain à Pontcarlé. Monsieur de Carlepont, la tête nue, descendit sur le seuil pour la recevoir, mais elle, s'inclinant devant lui. « Avez-vous pitié d'une misérable créature qui a péché et pleuré ? Me pardonnez-vous, monsieur le duc ? Dit-elle. « Moi, vous pardonnez. N'aviez-vous pas sans motif de me détester ? Eh bien, monsieur, je n'accepterai le pardon que vous m'offrez qu'à une condition. C'est que tout à l'heure, vous m'accompagnerez à la Maison Noire. Vous voulez ? Je vous en prie, Madame de la Morlaix et sa fille viendront avec nous. » Vers midi, une voiture qui renfermait 4 personnes s'arrêta au bord de l'étang dont les eaux calmes baignaient les murailles de la Maison Noire. Une mince croûte de glace en couvrait la surface. La neige en marquait les contours par ses plis. Un soleil vif et clair illuminait ce paysage blanc, adouci dans le lointain par les tons gris de l'horizon. Dans l'air, aucun souffle de vent. Parfois un merle, en partant d'une haie chargée de givre, faisait voler des flocons de neige qui brillaient dans la lumière comme de l'argent. La nature dormait ainsi que dans un linceul. Madame de Cipierre, qui descendit la première sous la longue chaussée au bord de laquelle se dressait un rideau de saules et de peupliers, entra dans la cour. Elle était pleine de tous les pauvres du pays, groupés silencieusement le long des murs. À son approche, tous se levèrent, les femmes, les enfants, les vieillards. Elle marcha lentement jusqu'à ce qu'elle fût au centre de la cour et là, prenant Monsieur de Carlepont par la main, « Mes amis, » dit-elle d'une voix ferme, « j'ai calomnié cet homme. Il n'a pas tué celui que je pleure. Le meurtrier de mon fils, c'est moi. » Alors, s'agenouillant, « Maintenant, Monsieur le Duc, pardonnez-moi, » reprit-elle, « celle qui a rendu le mal pour le bien. On ne la verra plus. » Monsieur de Carlepont la releva sans pouvoir parler. Madame de Cipierre fit le tour de l'assemblée, versant des aumônes aux mains de tous, et tous pleuraient, en apprenant qu'ils ne la verraient plus. Elle avait sur le visage la blancheur des marbres. Sa voix restait ferme, son pas tranquille, mais l'expression de ses yeux donnait des envies de pleurer. Sa visite terminée, elle recommanda ses chers pauvres à Madame de la Morlaix et à Monsieur de Carlepont. « Il y a beaucoup de petits-enfants qui m'aiment, » dit-elle à Léopoldine. « Je te les donne en dot. » Elle leur annonça ensuite qu'elle allait passer dans la retraite le peu de jours qu'il lui restait à vivre et prier Dieu, afin que, dans sa miséricorde, il la rappelât auprès de celui dont elle avait hâté la fin. « Si je meurs bientôt, reprit-elle, ce sera un signe qu'il m'aura pardonné. » Quand l'heure fut venue de retourner à Pontcarlé, Madame de Cipierre accompagna M. de Carlepont et les deux femmes jusqu'au seuil de la Maison Noire. « Adieu !» leur dit-elle alors. « Celle qui fut la mère angélique de la pitié va disparaître pour toujours. » Un instant après, un rideau de neige s'étendait entre la Maison Noire et la voiture qui roulait sans bruit. On pouvait voir Madame de Cipierre debout sur la porte ouverte, les mains croisées sur sa robe de laine. La distance s'élargit. Léopoldine, qui restait penchée en dehors, se rejeta vivement au fond de la voiture. « Dieu, fit-elle, la porte est fermée. » Deux ou trois mois après cette scène, deux jeunes gens se promenaient avec une lenteur calculée dans un village où régnait la plus extraordinaire activité. C'était Henri et Léopoldine. Autour d'eux, devant eux, derrière eux, un flot d'ouvriers allait et venait. Les maisons renaissaient de leurs ruines. On voyait encore çà et là des monceaux de décombres noircis, mais déjà les tons rouges de la brique alignée en belles murailles réjouissaient la vue. De légers drapeaux plantés au faîte des chaumières riaient dans la lumière. Les pommiers épargnés par l'incendie se couvraient de fleurs. Tout était jeune dans le village, les étables, l'église, le clocher, les granges, la parure des vergers. Une population joyeuse réparait les enclos et faisait disparaître les dernières traces du désastre. La bigouane qui portait une corbeille sous le bras distribuait des gâteaux aux petits-enfants. Le contentement et la sécurité étaient dans l'air. Henri et Léopoldine regardaient tout et ne voyaient qu'eux. En ce moment, le facteur rural passa et remit une lettre à M. de Carlepont qui, ayant reconnu l'écriture, appela son fils. Elle était de Gilbert et portait le timbre de Constantine. « Je suis spahi, disait-il, le métier a du bon. J'ai un cheval, un sabre et un capitaine qui écrit toujours en avant, quand on est en campagne. Je ne sais rien de meilleur que toutes ces choses pour déraciner les tristesses qu'on a dans le cœur. Je sais maintenant pourquoi Henri ne m'a pas rejoint en Afrique. Dites-lui que je lui pardonne et que je l'approuve. J'exige seulement, quand il aura un peu l'habitude du bonheur, qu'il vienne me voir. Je lui ferai faire la connaissance des pays qui ne ressemblent pas à la Cormelle, mais où l'on peut encore passer de bonnes soirées en fumant de longues pipes. J'ai fait choix pour vous et pour lui d'une maison toute en marbre avec une cour intérieure, des galeries, une fontaine et des lauriers roses qui rappellent ces vignettes qu'on voit dans les livres illustrés. Mademoiselle de la Morlaix, qui sera alors Madame la Marquise de Carlepont, y fera connaissance avec le couscous et une jolie jument du désert qui a les ailes d'un papillon et la douceur d'un agneau. N'allez pas croire au moins que je passe ma vie à l'ombre des orangers, couché sur des tapis de Turquie, comme le rat de la fable. Je connais les douceurs du lit de camp et les charmes des nuits à la belle étoile. Je vis à la diable entre des coups de sabre et des tasses de café. J'en distribue autant que j'en reçois. Je me fais une fête de penser qu'un jour je serai brigadier puis maréchal des logis. Qui m'eût dit qu'un temps viendrait où mon rêve aurait la forme d'un galon de laine? La première fois que j'ai entendu siffler les balles dans la Kabylie, je me suis rappelé nos expéditions romanesques dans le Caucase. Une lettre de la princesse Vassilissa est venue m'y relancer. Elle m'annonce qu'elle passera l'hiver à Paris. Elle était veuve, elle s'est remariée. Ainsi finit le monde. Je lui serrerai cependant la main avec plaisir. Mon cheval s'appelle Cadour. C'est le plus beau de l'escadron. J'ai eu la chance d'arriver en temps de guerre, et il faut voir quelle belle marche nous faisons dans la montagne. L'autre soir, au bord d'un ruisseau sur le sable, j'ai vu la large empreinte d'une griffe. Un lion avait passé par là. Cela vaut, j'imagine, les loups que nous chassions avec M. de Bléret. Notre ami doit bien une visite aux grands carnassiers avec lesquels il a déjà causé. Dites-lui que la race n'en est point perdue. Henri m'excusera si je ne suis pas auprès de lui le jour où sa main prendra celle de Mademoiselle de la Morlaix pour ne plus la quitter. Ma vilaine figure couleur d'acajou ferait un assez pitoyable effet au milieu des fleurs et des dentelles. La mélancolie ne lui va pas, et je sais des cérémonies qui me poussent à la tristesse invinciblement. Mais si mon burnou ne se montre pas à la messe nuptiale, un jour arrivera où je me rattraperai. Je compte même plus tard faire sauter sur mes genoux un petit bonhomme qui répondra au nom de Gilbert et pour qui je serai un parrain et un oncle d'Afrique. Monsieur de Bléré ne nous a-t-il pas donné l'exemple de ces vieux amis qu'on trouve au coin du foyer, qui rient ou qui pleurent en vous serrant la main, selon que l'heure est bonne ou mauvaise, qui ont le cœur solide et le bras fidèle? Je n'aurai qu'à me souvenir pour être tel que lui. Nous ferons des pèlerinages à la Cormelle et on m'y verra tout à coup apparaître, traînant mon grand sabre sur mes grandes bottes. Au revoir donc, mes amis. Au revoir, mon frère. Le cœur de celui qui est absent est avec vous tout entier. Il bat un peu fort tandis que je vous écris. La main tremble, et si je continuais, peut-être verriez-vous sur ce papier la trace d'une larme qui coule traîtreusement sur ma joue et se perd dans mes moustaches. Mes camarades l'Espagne n'auraient qu'à l'apercevoir. La belle affaire, un Turc qui pleure. Je me sauve, et vous embrassant, monsieur le duc, je signe fièrement. Votre fils, Gilbert. La semaine où cette lettre fut reçue n'était pas écoulée que monsieur le duc de Carlepoint et madame de la Morlaix menaient à l'hôtel Henri et Léopoldine. En voyant s'agenouiller, le visage fier et tranquille, le fils que lui avait donné Philiberte, le duc leva vers le ciel des yeux rayonnants, son cœur se gonfla, et il put dire dans tous les langues d'une âme heureuse et récompensée. « Ton vœu est exaucé, Philiberte. Henri est un homme devant Dieu et devant les hommes. » Ainsi s'achève le duc de Carlepont par Amédée Achard.